Bien-aimés frères et sœurs, que la paix, la grâce de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, soit avec vous tous. Je dis à nous contents pour nous retrouver, nous. C'est avec un peu la joie, nous venir autour de la table avec nous. La table spirituelle, côté nous pour aller manger ensemble le repas que le Saint-Esprit, notre professeur, l'y gagne pour nous. Ça fait que nous remplis la joie chaque fois nous connaît que nous gagnons yon papa qui brali ouvri, rempli de provisions pour le capable nourrir petit lit et nous venir bon côté lit avec que nous disposer pour nous recevoir. Ça que les gagne pour le banon et la banol avec amour, la banoli en abondance et avec en pile joie. Mes amis, mes frères, kounyea, préparez cœur pour recevoir le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis à nous prendre méditer sur un petit point ensemble avant de passer dans la prière. Nous pourrons voir comment si ça nous gagne, petit coulier, plus l'obéissance, li fait ça nous relayer, yon boum, plus que ça nous gagne besoin. Formule là, le peu, plus l'obéissance, ben non plus que ça nous gain besoin là nous entrer dans un processus tout transfert qui fait dans le royaume de Dieu pour les fils du royaume le peu quel que soit ça nous gain si minime soit-il c'est pas mon temps qui est important pour l'Éternel toujours mais c'est l'obéissance. Un Samuel t'a déjà expliqué non ça, un Samuel 15. Samuel dit voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un Samuel chapitre 15 verset 22. Mettez les yeux dans ce texte, le m'a lié avec nous. Mettez les yeux dans ce texte là, pas oublier. Yeux non sous lit non oreilles non. Mettez vos yeux sur le texte. Texte l'a dit, verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ou un garçon qui obéit à la voix de l'Éternel? Pas besoin de faire non bon sacrifice, casser tête moins, touiller tête moins. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ou un reste bout de verset à là, les traduit par la soumission. Voici la soumission. Par contre, si nous regardons, nous sommes dans verset ça, nous capable de jouer un mariage dans la donne. Un homme qui obéit à Dieu, automatiquement, ça a transféré dans Psaume 112. L'homme qui craint l'Éternel, il a dans sa maison bien-être et richesse. L'obéissance vaut mieux que batnay ap travay fè double. Et la soumission, moi comme bon mesdames yo, la soumission, l'observation des commandements de Dieu, s'aligner, la soumission à la volonté de Dieu, la soumission dans votre mariage à la volonté de Dieu, vaut mieux que la graisse des béliers. Dans le royaume de Dieu, ça nous gagne, plus obéissance à la parole de Dieu, c'est formule qui pour permettre nous joindre tout ça nous gain besoin et cela en abondance. Parce que frères et sœurs, Dieu a toujours un plan. Dieu est un Dieu de dessein. Tout ça bon Dieu créé, il créé pour une raison. Bon Dieu pas créé aucun monde au hasard, pas gain un monde qui vient sous terre au hasard. Pas gain monde qui vient sous terre parce que son accident qui fait arriver là. Quel que soit Jean ou elle, mais monde qui vient sous terre, il vient avec une identité que c'est seul lui-même dans tout l'univers qui possède. Et living sous terre avec une réponse à une question. Réponse à un problème. Faut qu'il joigne problème là et résoudre. Quel que soit le nombre de temps le fait sous terre, il vient pour le faire une mission. Trouver-le, résoudre-le. Et là, il finit de résoudre l'île, il m'a dit, j'ai achevé ma course. J'ai fait l'œuvre que tu m'as confiée. Que le gain 33 ans, que le gain 969 ans, que le gain 50 ans, c'est pas une question de nombre d'années, hein? Mais est-ce que le fait, ça, il te gain pour le faire? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Frère Maxime, yo, m'a invité nous aujourd'hui hein, pour nous aller avec dans 1 Samuel. Non, on a l'ordre de préférence un roi. Nous pour aller joindre l'histoire du prophète Élie chez la veuve de Sarepta. Mais on a commencé avec Élie dans 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17. Nous pour aller à partir de Texa, côté nous pral tirer ça nous bat nous comme introduction aujourd'hui. Peu plus l'obéissance, c'est formule dans le royaume de Dieu pour gagner en abondance, ça doit gagner plus que son mérité gagner. Dans le royaume de Dieu, c'est toujours ainsi. Pas oublier principe royaume là, quand Dieu donne dans le royaume, voilà le principe, c'est Il déverse, ma coupe déborde. Il met, la coupe déborde. Et secouer, serrer, qui déborde. C'est le principe dans le royaume. Mais, il y a un élément qui est nécessaire, c'est ça, nourrir l'obéissance. Le pouvoir de l'obéissance. Élie, le Tishbite, nous sommes dans 1 Samuel 17, l'un des habitants de Galaad dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Va moi le texte là, m'a monté là dans jeudi, ça qui passé là en aller. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie se présenta devant Akab, et qu'est-ce que Élie va donner? La parole que l'Éternel lui donne. Zamim, formule là pour qu'il y ait aujourd'hui. Hein? Sans rien, plus l'obéissance à la parole de Dieu, c'est de ça combiné ensemble pour bailler tout ce qu'il y a besoin plus tard. Élie est arrivé et Élie va donner la parole. Selon la parole de l'Éternel, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et verset 2a, La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. » Gardez vos paroles. Allez, al cacher non grotte et moins ordonner des oiseaux, corbeaux, pour venir bon manger, pour venir nourrir. Ou à boire de l'eau torrent, cacher quoi dans grotte là. Verset 5, il partit et agit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Il n'a pas posé l'Éternel aucune question. Il n'a pas dit l'Éternel, aux mains écrites. Il n'a pas dit aucun bagage. Le texte l'a dit, lui partit, il agit, Jean l'Éternel dit là. Il se leva et partit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Parole moyenne d'aujourd'hui, hein? S'organiser plus obéissance, c'est tout son besoin. Élie levait l'allée. Et verset 6 là dit moins, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Ah oh. Le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Ça l'Éternel dit qu'a fait là, c'est ça qu'a fait, il n'y a pas mal tête d'aucun problème. Li nan grotte là, li levé, li mangé, li boit de l'eau, li dormi, li rete là. Il agit selon la parole de l'Éternel. Li pas gratter tête, li pas poser question. Mes amis, qui ça va pas penser de moi? Me cacher dans grotte, ces oiseaux qu'a bon manger. Côté oiseaux ça joine viande ça. Eli parti et agit selon la parole de l'Éternel. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Mais gardons bagay. Qui monde qui se dit pas que la pluie? Élie. Mais Dieu ne prend jamais de surprise, pas oublier ça. Et Dieu a toujours un plan. Le plan de Dieu fonctionne toujours à merveille. Avant ma parler, Kounia. Le plan de Dieu fonctionne toujours à merveille. Dieu ne prend jamais de surprise. Il n'y a rien qui surprend mon Dieu. Son plan fonctionne toujours. Proverbe 19, 21 me dit, nous avons des projets, certes, mais les desseins de Dieu, voilà ce qui va s'accomplir. Les desseins de Dieu. Élie partit. Maintenant, texte l'a dit, levé, va à Sarepta, verset 9, qui appartient à Sidon. Reste-y. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Nous comprenons qui est servi, non? N'a servi au bon Dieu qui c'est sous responsabilité pâle pour le ban nous manger. Bon, moi prendre ça me dire. Seul bagaille bon Dieu toujours veiller à ce que c'est lui-même qui prend soin toute petite lui. Toute créature, c'est lui qui baille manger. Il baille manger à fourmis, il baille manger aux lionceaux, il baille manger aux oiseaux. Bon Dieu, toujours veiller à ce que c'est lui qui crée pour rejoindre souci, provision dans lui. Et c'est exactement ça, il dit petit lui qui est l'homme. L'homme est dans la race de Dieu. Bon, vous prenez samedi à là. L'homme est créé dans la classe de Dieu. Bon, vous prenez ça. L'homme, l'être humain, c'est nous-mêmes qui sommes humains, mais la Bible est l'homme. Donc, nous-mêmes, nous jouons un gros mot pour lui, nous sommes humains. Mais la Bible, bon Dieu, est l'homme, que le fille, que le garçon. L'homme est créé dans la classe de Dieu, dans la race de Dieu. Hébreu, pour le dire, pas gagné un ange qui jamais portait le nom de fils de Dieu. Pas gagné un ange que mon Dieu jamais dit, tu es mon fils. Et pour nous, l'apôtre Paul pour le dire dans 1 Corinthiens, pour nous, nous sommes des fils et des filles, dit l'Éternel des armées. Nous sommes de sa race. Nous sommes dans la classe de Dieu. C'est pour ça qu'on comprend. Et pour le psaume 8 qui dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire, niveau, seul niveau qui est supérieur à Dieu, ou du moins qui est supérieur à l'homme, excusez, il faut bien comprendre, seul niveau qui est supérieur à l'homme, c'est Dieu. Tu l'as fait, en parlant de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et bon Dieu, veillez à ce que race l'IA, petite l'IA, sa famille, toujours joigne nourriture, yo, toujours joigne source, yo, provision yo dans l'IA. Un Pierre, 5, 7, déchargez, mettez genou sous verset A, mettez genou sous lit. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Genou sous parole là, pour que parole là nous elle-même. Le texte me dit, 1 Pierre 5, verset 7, qui dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Lui, il prend soin de nous. Alors voilà, Élie, l'Éternel dit, Kounia, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Maintenant, j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Rete là. Pas non pas l'élevoël, mais quand il y a une veuve. Mes frères, texte l'a dit moi, nous sommes dans 1 Roi 17 toujours, le texte me dit, il y levé, en allé, 1 Samuel chapitre 17, 1 Roi je veux dire, 1 Roi 17, il se leva, verset 10, s'en alla à Sarepta. M'a regardé yon Élie, qui pas gardé tête, yon Élie qui pas posé question, yon Élie, texte l'a toujours dit, qui fait selon la parole de l'Éternel. Donc, combien de fois nous besoin de gagner de double portion de l'Esprit, de l'Élysée? Élie était grande portion, Élysée besoin de gagner double portion d'Élie, mais nous avons besoin de gagner le tout. Mais nous parlons nous compte de yon bagay là, ti portion que li gagné. Ouais, nos paroles là, oui. Ti portion parce que moi dans l'autre gros parole puis devant. Ti portion li gagné là. Gon bagay qui accompagne toujours, il fait, il agit selon la parole de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, on voyage nous ensemble pour nous voir que Élie se leva, il s'en alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y a marché, voici qu'il y a là une veuve qui ramassait du bois. Regardez bien, on imagine nos bagailles là. Il y a marché, l'Éternel déjà dit, j'ai une veuve que m'ordonnée. Est-ce que l'Éternel t'a parlé à la veuve là? Texte l'a dit, l'Éternel déjà ordonné veuve là pour veuve là prendre soin d'Élie. On nous suit. Maintenant, Élie arrive, li wè veuve là, qui a ramassé bois, Eli relève, il va poser la question, il pas dit bonjour madame, est-ce que c'est un veuvouillé et quand on était, est-ce que l'Éternel parle avant déjà? Eli pas poser aucune question, Eli dit lui va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Bon ben là, comment Eli fait connaître que c'est femme ça? Pas oublier. Lorsque vous êtes en connexion avec l'Esprit de Dieu vous guidera. Généralement, nous perdons, ça nous relève nos rendez-vous divins. Lorsque nous quittons la direction de l'Esprit, eh bien, nous quittons aussi guide-là, nous quittons direction, hein, nous quitter côté pour nous joindre, monde pour nous rencontrer, côté pour nous joindre, provision de besoin rencontrer. Élie marchait sous la direction de l'Esprit, et voilà, l'Esprit a montré que c'est cette femme. Et il n'est pas n'en posé aux bonnes questions, regardez le côté direct de la chose, va me chercher un peu d'eau. Mais, mon bagage encore là devant. Elle répondit. On remonte. Verset 11 d'abord. Elle alla en chercher. Mon programme d'obéissance devant là, je dis. Elle obéit à sa bon Dieu dit. Bon Dieu dit, elle parle à Akab, là, elle parle. Al cacher dans grotte là elle cacher manger ça me pas voyer bon il manger kounya dit lever aller au côté lever l'aller et voilà que maintenant cette femme sans pas poser question qui est ce grand monde ça y est qui met ça il lui dit va me chercher un peu d'eau lui lever là chercher de l'eau l'obéissance elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Wow! Ma fait nous remarquer un bagage. Élie, pendant tout le temps ça lui-même, l'a bien mangé. Matin et soir, il y a un pain qui vient, il y a une viande qui vient, il y a de l'eau la boue à gogo. Donc, il n'y a pas de monde qui est dans le grand goût là. Mais si vous regardez madame ça, son madame qui est grand goût. Si vous suivez madame ça, on vous quitte l'imagination, on vous voit que son madame qui était là, zoak po. Au point que lui était juste, yon poyen farine. Il peut expliquer ça là, regardez pour vous. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Mon problème là. Li reconnaît déjà que Eli pas n'importe qui monde. Eli pas présenté. Eli pas dit je suis Eli prophète de l'Éternel. Femme non pas présenté pour dire je suis la veuve que l'Éternel a ordonnée. Mais une connexion que fait là. Eli dit il va me chercher un morceau de pain. Elle répondit l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ah, gon parole là. Et elle dit, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine, un petit point de farine, dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Mes programmes là. N'a fini, préparer petit pâté, pétri petit farine là, mon boucanel, manger, ma petite menticale, c'est dernier ça n'a mangé pour nous mourir. Mais Gombarol lui dit là, lui dit l'Éternel ton Dieu est vivant. Ah! Maintenant, texte là, dis-moi une parole là. Élie lui dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. En pile côté dans la Bible, en pile fois, il y a un miracle pour le fait, première parole qui dit, sois sans crainte. N'aie pas peur. Parce que la peur, c'est la première arme que le malin pour l'utiliser. Et la peur, le principal travail la peur, c'est annuler foi. Jésus dit, Jaïrus, pas peur. Je viens de dire, Jaïrus, ou pas besoin de parler avec Jésus encore, petit toi déjà mouri. Jésus a dit, viens regarder Jaïrus, lui dit, lui, sois sans crainte. Même parole est liée. Sois sans crainte. Mes frères, mes sœurs, la peur connectée avec la désobéissance. Le principal travail de la peur, c'est fort justement transgresser la parole de bon Dieu. Bon Dieu d'Oshita, la peur faut lever au courrier. Donc, leur levé au courrier alors que vous êtes au chita ou dans désobéissance là. Pas oublier le programme d'aujourd'hui, hein? L'obéissance plus petit peu ça me gagne, hein? C'est ça qui formule qui pour ben moi tout ça me gagne besoin après. Sois sans crainte. Et il dit à la femme, l'Éternel est vivant. Sois sans crainte. Fais comme tu l'as dit. Alpétri ti farine pour faire ti pâté pour manger pour mourir. Fais j'en dis. Seulement, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Par contre, sinon, pour ça, vous faites nuance là, non? Fais pour moi d'abord. Bon, c'est déjà d'abord. Mais pour ça, vous allez insister pour dire ensuite là. C'est pour montrer justement et notion de besoin faut ça est livre les faits Noël là, c'est que lui-même n'est pas de grand goût. C'est pas pour, c'est pas parce que le grand goût qu'il fait le quoi le demander manger là. Si c'est parce que des grand goût n'importe l'autre balle, il pas de problème parce que c'est juste grand goût le grand goût. Qu'Obama avant, qu'Obama après, c'est pas un problème dans ça. Mais il livre les montrer nous là que c'est pas un problème de grand goût qu'a résoudre là. Ça qu'a résoudre là, c'est d'abord un problème d'obéissance. L'obéissance, c'est la clé, mes frères, mes sœurs. Dans le royaume de Dieu, pour garder votre part dans la prospérité du royaume, l'obéissance est la clé. Prépare-moi d'abord. D'abord. Et on va préparer pour un petit tuyau ensuite. Mais fait qu'il n'a juste mangé ça pour nous mourir. Et il dit, mais il faut le programme. Fais comme tu l'as dit. Mais d'abord, obéis à la parole. Obéis d'abord à la parole. Et il ajouta, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Madame n'a pas ni plaignant, ni dit, mes amis, gardons messieurs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Verset 15. Elle alla faire selon la parole d'Élie. Selon la parole d'Élie. Et Élie a parlé selon l'Éternel. Donc, la femme a obéi à la voix de l'Éternel prononcée par Élie. Mais programme d'obéissance là qu'il a. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Elle a là et elle a fait selon la parole qu'Élie avait parlé. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que Élie. Parce que, n'oubliez pas, Dieu avait dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Reste là où tu seras, à Sarepta. Frères et sœurs bien-aimés, c'était pas facile pour Élie. Parce que Élie paraît devant madame ça, comme on dit, donc, Zoapo, pour le dire, allez pour tes bombes d'abord, c'est pas facile. Mais Élie n'a pas agi ici par sentiment. Frères et sœurs bien-aimés, dans le royaume de Dieu, le sentiment pas en priorité. Dieu n'agit pas par sentiment. Dieu n'agit pas par besoin. Dans le monde, dans le cas ça, Élie chaque jour le manger. Qui monde qui était plus qui a besoin de manger? Fia ou Élie? Fia, petite li, d'ailleurs, c'est des petits grains ça a besoin de manger pour mourir. Élie, ce n'est pas un problème gangoul gen là. Mais Dieu ne tient pas compte du besoin. Il tient compte de sa parole. Il tient compte de son plan. Il tient compte de son programme. Parce qu'il a un plan, l'Éternel. Élie a obéi à la parole de l'Éternel. Il agit selon la parole de l'Éternel. Et la femme a répondu à l'appel d'Élie et elle a manifesté sa nourrée, l'obéissance. Elle a répondu au rendez-vous divin. Si vous n'avez pas besoin, c'est répondre à rendez-vous divin. Là. Comment côté mis là? Maintenant, et Jérémie 17 là. Yo. Jérémie 17 dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Verset 5. Malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme. L'homme là, c'est premièrement ou même. C'est diplôme ou yo. C'est aptitude qu'on gagne, c'est travail qu'on fait main en là, ou mettez confiance sous la ça comme sous. Pour Jérémie 17, 5, rattrapeau immédiatement. Donc, malheur. Qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genevier dans la steppe, il ne voit pas arriver le bonheur. La femme, pas de connaître ni en pète ni en peinture, mais, remarquez, texte la dit que l'Éternel ordonnait à la femme. Donc, gagnez une parole entre l'Éternel et la femme, ça a déjà. Gagnez une connexion déjà. Et dès que la femme a vu Élie, qu'est-ce que la femme dit? L'Éternel, ton Dieu est vivant. Elle ne se confiait pas en elle-même. Elle se confiait dans l'Éternel vivant. Et elle n'a pas raté son rendez-vous divin. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Lorsque moment chaleur a vini, li pa la dan. Donc, nan ka madame nan nou ye la, lorsque famine nan vini vraiment pour ravager moun yo, malgré gen famine nan vraiment, mais en dan la kay li, hey, en dan la kay li, farine nan pa jam manke, l'huile la pa jam manke. Lorsque moi confie nan l'Éternel, texte la dit, il ne voit pas arriver la chaleur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, moi pour le banon une parole là aujourd'hui. Parole ça me parle banon là, nous doit tout ça me dit déjà oublier tout. Ça me parle dit nous kounya là. C'est une méga information. Je vais ouvrir les oreilles nous pour nous prendre. Élie te gagné une grande autorité. Parce que la Bible pour le présenter, nous devons les théologiens pour le présenter Élie comme et le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Au point que, et dès qu'on parle de puissance de l'Ancien Testament, c'est Élie qu'on voit. Et on va voir, c'est pourquoi la transfiguration, il y a Élie et Moïse qui pourraient paraître. Élie représentait la puissance et Moïse représentait la loi. Donc, la loi et la puissance, c'est Élie et Moïse. Donc, Élie, là, est très puissant. Mais Jésus prend la parole dans Luc 7, 27 pour me dire, mettez-je une sous parole là, Luc 7, 27. Genou sous le lit. Luc 7, 27. Jésus dit, je vous le dis en vérité, c'est lui, voici, j'envoie devant vous mon messager pour préparer ton chemin devant toi. Verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Parmi ceux qui sont nés de femmes, y compris ici Élie le Tishbite, y compris Moïse, y compris Abraham, y compris David, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jésus classait Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, comme le plus grand des prophètes. Dans le niveau de l'Ancien Testament, le plus grand prophète, c'est Jean-Baptiste. Je suis sous le texte là. Luc 7, 28. Le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Parce qu'il paraît un monde qui est plus grand que Jean. Et il dit, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Et plus grand que Jean veut dire aussi plus grand que Élie n'a parlé aujourd'hui. Méga information, frères et sœurs, ou même qui avait là dans le Nouveau Testament, dans le royaume de Dieu, nous gagnons plus grande autorité que Ivan Élie pour nous parler la parole de Dieu et changer les situations dans notre vie, les situations autour de nous. Vous avez une plus grande autorité. Élie n'avait pas le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Il n'avait pas le nom de Jésus. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons. Au nom de Jésus, nous imposerons les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Au nom de Jésus, nous marchons sur les puissances du diable et rien ne pourra nous nuire. Vous avez l'autorité de parler la parole de Dieu sur votre vie. l'autorité de parler la parole de Dieu sur votre situation. L'autorité de parler la parole de Dieu sur votre famille, sur votre pays. Donc tout ce qu'on a pour faire, c'est trouver parole là et dire ça d'où dit à l'obéissance. Nous aimons raconter aux bonnes bagailles, nous pas dit ça, bon Dieu dit nous dit. Dis ça d'où dit. Ça pour faire même, joindre une parole là, joindre côté le voyo à le dire là. Il n'a pas dit Eli de côté Eli pour parler à la femme. Non, il dit Eli aller quand la femme. Non, Eli lever l'aller. Il dit Eli rester là, Eli rester là. Et plus tard, on va voir, elle va dire Eli lever, retourner contre la cab, Eli va lever l'aller. Trouve la parole à dire. Où est-ce qu'on doit trouver cette parole? Dans votre Bible. Votre Bible, c'est votre testament. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Nous, Jésus, l'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Nous plutôt utiliser la pensée du monde. La pensée du monde a détruit nous. La pensée du monde. Oh, comment on a pensé? Bon, ben, un petit exemple qui j'ai mon de la pensée. Ou à l'hôpital, le docteur a son cancer. Comment ça fait? Mes amis! Bon. La pensée du monde, cancer égale la mort. Le côté de cancer, oui, c'est la mort. Et nous nourrissons cette pensée. Nous nourrissons, alors que la parole nous dit, nous avons la pensée de Christ. Quelle est la pensée de Christ? La pensée de Christ, c'est que le Christ, lui, qu'est-ce qui se passe? Il est venu, il a pris toutes nos maladies. Toutes veut dire toutes nos maladies. Toutes nos infirmités, nous devons marcher dans la pensée de Dieu. Et nous avons cette pensée. Philippiens 4, 8 me dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En un mot, pensez même là, mon Dieu. Waouh! Pensez même gens avec bon Dieu. Moi prenez pour que comprendre que c'est pas bouche pas échapper. Pensez même gens avec bon Dieu. Comment? Lis dans Bible là. Prends Bible là, mettez-le dans yeux. Prends Bible là, mettez-le dans oreille moi. Donc quittez-le dans oreille moi. Quittez-le dans yeux pour le rentrer. Et à partir de ce moment, on va venir commencer penser même gens avec bon Dieu. Et le penser à bon Dieu, me parler même j'ai à bon Dieu. Le me parler à bon Dieu, m'agir même j'ai à bon Dieu. Oui, qui gros parole là dit comme ça? Mais c'est exactement ça. Parce que le texte me dit, c'est ou bien Bible là, ça Bible a dit, ah, c'est vrai, ou bien ça dit, ah, c'est pas vrai. Lui là pour nous suspendre, bon, Bible en main nous, n'a marché à Bible là en main nous, puis n'a vivre n'importe qui gens. Bible là en main nous, n'a plein, Bible a dit nous pas plein, puis n'a plein. Bible a dit nous pas stressé, nous même stress fini avec toute vie nous. Ne vous inquiétez de rien. Nous inquiétez pour toute bagaille. Nous marchons exactement dans le contraire de la parole. Alors, Bible a l'emmen nous. L'heure, le temps pour sa Bible a dit, ah, c'est ça lié vrai. La parole de Dieu. Nous commençons à exciter là. Oui, bon, fini pour me barrer un problème avec nous. Alors, bon, me retourner. Texte là dit, moi. Il y fait. Ça, bon Dieu dit, il dit. Madame n'en dit, il fait ça, bon Dieu dit le faire. Mais le peu. Ah! Zamim, je connais quand on y a là, ou senti, ou ligoté. Nous avons parlé déjà de Yuna Esprit, qui l'a pour ligoter nous. Ligoter nous, faire nous raide, nous pas capable bouger économiquement. Regardez nous, nous en vie, fongeance, mais nous pas capable nous ligoter. Maintenant, aujourd'hui, je viens vous dire une chose. Dans le royaume de Dieu, voilà ce qu'il faut faire avec le peu. Là, nous allons dans Matthieu 14. Matthieu 14, j'ai un sous-texte là, pas vrai? Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, nous allons verset 17 avec nous. Voilà ce qu'il faut faire avec le peu dans le royaume de Dieu. Matthieu 14, 17. Matthieu 14, verset 17. Là, je suis dans la multiplication des pains. verset 16 si vous voulez, Jésus leur répondit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Waouh, bon problème là. Parce que, disciples qui ont paraît pour dire Jésus, le soir est venu, quittez mon yo aller, parce que ce lieu est désert, et l'heure est avancée. Donc, quittez mon yo aller pour y aller joindre nos bagages, pour y aller acheter de quoi dans les villages aux alentours, pour y aller joindre de quoi manger. Parce que, y a toujours un autre programme, bon plan. Bon plan de secours, plan B. Bon, suspendre, supposons Jésus a prêché, il paraît de dire Jésus, bon, suspendre prêchoua, ou prêchez trop long, pasteur, suspendre prêchoua, pasteur Jésus, quittez mon yokounia à le dégager dans le bois, dans l'environ, parce que comment c'est pour le faire sur les couchers, parce que depuis sur les couchers, Jésus n'a pas fait rien encore, et pour le dégager pour le joindre manger. Ils ont un autre plan. Jésus va leur dire, gardons le plan de Dieu. Les foules n'ont pas besoin de partir. Vous-même. Vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Nous avons voyé mon nom à l'hôpital pour la jouer une guérison. Mon nom malade, nous avons voyé l'hôpital. Mon texte a dit, guérissez-les. Mon nom a un problème, nous voyons le bail gouvernement. Texte a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce verset ne s'appliquerait pas au gouvernement. Ça s'applique aux chrétiens. Donnez-leur vous-même à manger. Ah ah! Eh bien bon. Mais ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Sous le miracle, ça est rapporté dans les 4 évangélistes. En fait, dans les 4 évangiles. C'est pour montrer l'importance. Li. Et là, nous prenons chaque, nous venons une information qui corrige une à l'autre. Dans l'autre, nous pouvons voir, texte là dit nous, qui ça ça a fait pour tout le monde ça? Nous avons seulement 5 petits pains et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tous ces gens? Ou dit, ma vie baille, mais si ça me gagne trop petit, il va même résoudre le problème pour la carrière moi. Il va même payer bill, téléphone. Il va même payer carrière là, je vois voir pour t'amener manger. Non, frigidaire. Oh, ça, moi, c'est chaque jour, saute mon problème, ça en est sorti là, et puis ça apprend. Donc, qui fait, toujours un problème pour m'essayer de résoudre. Donc, si ça au bail là, si ça me gagne, hein, il n'y a pas faire rien vraiment. C'est le peu. Qu'est-ce qu'on fait dans le royaume de Dieu avec le peu? Dans le royaume de Dieu, avec le peu qu'on a, on fait le verset 18. L'île ou même qu'on y a en avant. Matthieu 14, verset 18. Voilà ce qu'on fait avec le peu qu'on a dans le royaume de Dieu. Lisez pour moi. Matthieu 14, verset 18. Le peu qu'on a dans le royaume, qu'est-ce qu'on fait avec? Jésus dit, apportez-les-moi ici. Aujourd'hui, je vous donne la clé de votre réussite dans le royaume de Dieu financièrement. Si il y a une bagaille que les circonstances de la vie a géré, c'est gérer toujours mettre problème bon côté pour pas jamais gagner ou envie même à porter le peu qu'on a gouvelé à by Jésus. Pour qui raison? Parce que dès qu'on porte le peu à la bonos là obligé fini et côté à bonos là sorti. La même monde qui vole là, la obligé de remettre lui. Parce que le malin est un voleur. Le texte me dit, il est venu pour voler, pour dérober, tuer, détruire. Donc, la clé pour faire transfert là, c'est le peu qu'on gagne, hein, mettez sous lit l'obéissance. Et qu'est-ce que l'obéissance me dit? Apportez-les-moi ici. On vous apporte le peu entre les mains de Jésus. Donnez votre peu à Jésus avec l'obéissance. Donnez votre peu à Jésus. Pas poser la question. Dire comment et après. Et si, il n'y a pas besoin qu'on baraille comme ça. Apportez-moi d'abord. Oui, même un jour, si farine a conti l'huile, cette femme n'était pas née de nouveau. Elle n'était pas née de nouveau, mais elle n'a pas raté son rendez-vous divin. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu es à partir de la résurrection, ou c'est ou dans bon ça de la croix. Et dans bon côté de la croix, le plus petit est plus grand que même le plus grand dans l'Ancien Testament. Ne ratez pas votre rendez-vous divin. Donc, le peu dans le royaume de Dieu, on l'amène, on le dépose aux pieds de Jésus. Apportez-moi ici votre peu. Et n'oubliez pas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Apportez votre peu. Donnez votre peu à Jésus. Dans l'obéissance. Dans le royaume du monde, vous allez soit travailler dur, soit emprunter. Et là où on emprunte, nous avons une dette, nous n'avons pas d'être la fête, d'être la vie, fait qu'il y a que au lieu où il y a une redevance envers bon Dieu, ou il y a une redevance envers moun qui prétend là. Il y a des choses que tu as fait pour bon Dieu, mais moun qui prétend là-dedans, là, ou pas qu'à faire ça non, parce que faut porter comme la bombe. Si vous n'êtes pas capable de pointer, ou pas qu'à travailler dur, quand le troisième bagaille monde là offrir, c'est la fraude. La fraude permet de pouvoir gagner l'argent facilement, ou bien on travaille dur, mais après 25 ans, on va voir qui ça dur, d'abord, l'écraser toute zone encore, c'est vrai. Mais on vient de nous compte que, ou pas jamais qu'à coller les deux bouts, après tout le temps, on fait dur, ça. M'prêter, et ça nous dit, et Haïti doit la France. Donc nous avons continué à prêter, nous prêter. Bon, finalement, nous avons dit, bon, ok, nous avons ça pour nous faire encore. Ou bien, nous avons fraude. Mais ça, c'est de l'autre côté. Mais dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui est écrit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Ce n'est pas moi qui le redis pour me faire. Il y a une différence entre redis pour faire un bagage et recevoir un bagage que vous avez beau. Il y a une différence. J'ai l'impression qu'il faut finir là. Je ne vais pas garder l'œil à nous. Bon bagage, il faut nous comprendre aujourd'hui. Dans le royaume de Dieu, il y a une alliance. Dans l'alliance, il faut que je connaisse dans le contrat alliance. Qui ça moins gagne la donne? C'est plus gros problème. Là. Nous gagnons un papier là maintenant. Qui c'est une alliance liée, mais nous pas lié alliance là. Nous pas dire oui, la Bible dit dans Genèse, tu travailleras, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Oui, c'est dans Genèse chapitre 3 qui est écrit. Bon, dit pour nous. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en mangeras ta nourriture tous les jours de ta vie, avec peine, ok. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe dans les campagnes. C'est à la sueur, verset 19, à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Oui, c'est dans la parole, c'est dans Genèse chapitre 3. Sauf que, bim ça qui l'a mon là, par contre, si c'est ça, c'est vrai, regardez pour vous. Bible, ça clame là, sous deux Bibles là, dans la première page là, il y a un nom qui est écrit sur lui. Donc, dans le PAM, sous deux lits, nom écrit sur lui. Donc ça fait tout ça quand dans Bible ça, c'est pour moi lié. Mais en dans Bible pas maintenant, il y a Genèse 3 19 là, mais en dans Bible pas maintenant tout, il y a Galates 3 13. Galates 3 13 qui dit Christ nous a racheté de Genèse 3 19 de la malédiction de la loi. C'est dans Bible pas maintenant, il écrit la donne. Sauf que dans Bible pas maintenant, il écrit 1 Pierre 5 7 déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. C'est dans Bible pas maintenant. Dans Bible pas maintenant, il écrit dans Matthieu 11 déchargez-vous sur lui, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est dans Bible pas maintenant. Dans Bible pas maintenant, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Non, bim pam non. Donc, bim pam non, dim. Si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon ses promesses. Non, bim pam non. Sauf que dans Bible pam nan, il écrit dans Romains 8 verset 17. Dans Bible pam nan, Romains 8 17 dit vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ dans Bible pam nan. Dans Bible pam nan, verset 32, il dit il n'a pas épargné son fils et maintenant il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce, dans Bible pas maintenant. Alors regardez. Nous gagnons une alliance avec bon Dieu. C'est pour nous ouvrir la Bible, pour nous lire les clauses de l'alliance. Dans les clauses de l'alliance, nous pas travaillons. Dur, dur, dur, dur, dur, cassé, wash. Même travail avec sagesse. Par contre, si Bible Paul a gagné verset ça, bon, essayer de courir le dernier verset ça pour moi, dans Ecclésiaste. En allant dans Ecclésiaste, Bible Paul a capable de gagner, mais bon, de ça, de montrer un verset qui est dans Bible Pam. Dans Bible Pam, dans Ecclésiaste, chapitre Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26. Dans Bible Pamna, il est écrit, car à l'homme qui est agréable à Dieu, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais j'aime travailler, Kounia. Je travaille dur, dur, dur, dur, dur, dur. Casser roche. Dans le soleil, là, je fais toute journée. Je casse roche pour me faire béton. Je casse roche. Ensuite, ingénieur dans climatisé en dedans puis elle saute de yoa là ni galé rochal dit non wa ça va bien casser recasser yo on va pas repasser l'autre journée encore pour me recasser roche n'est déjà cassé yo oui me travaille dur mais à l'homme qui lui est agréable Dieu donne la sagesse il donne la science et la joie mais j'aime travaille mais au pécheur, il donne le souci de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Elle a changé là même là. Dans le royaume de Dieu, tout ce qu'il vous faut, c'est connaître la parole de votre Père et d'obéir à sa parole. L'obéissance plus le peu que tu as te donne, Proverbe 10, 22, la bénédiction de l'Éternel. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Bon, fini, je dis à Poumdo. Youn nan bagay, Satan réussit fait. Il réussit fait l'homme vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que l'homme est créé pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur. On va reprendre ça me dire. Youn nan bagay, Satan rive fait. Li rive fait l'homme par le péché vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Tout ça nous besoin faut me sortir pour aller chercher. pour nous sortir à l'air travail là, sortir à l'air manger là, sortir à chercher bagaille là. Et même dans prière, nous sortir pour nous prier bon Dieu qui juste en haut dans le ciel là. On sortir pour mal sous montagne là, pour mal jeûner, pour mal joindre bon Dieu. Donc nous gagnons l'intention, nous sortir pour nous joindre. Alors que l'homme est créé pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Le royaume de Dieu est en toi. C'est en toi que tu fais sortir ce que tu veux. L'homme bon tire de son bon trésor tout ça qu'il a besoin. Dans le royaume de Dieu, ce que Jésus est venu faire, il est venu replacer l'homme dans le sens qu'il doit vivre, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand je prie maintenant, je suis obligé de lever, je m'enlève pour me dire, bon Dieu en haut dans le ciel là, puisque la Bible me dit que Dieu est en moi. Il vit en moi. Et Dieu dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas besoin de dire, bon Dieu, pas qui t'aime, lui déjà dit, lui pas, j'aime qui t'aime. Je n'ai pas besoin de dire, viens sauver, lui déjà dit, que me sauver, au point que lui la vivre en dame. Donc dans le royaume de Dieu, il faut nous comprendre, maintenant nous vivons de l'intérieur vers l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout ça, nous avons besoin de sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Qui j'ai un programme dans y est? Cherchez parole là. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La pensée de Christ, la Bible, qu'est-ce que ça dit? Mettez-le en dans le cœur. Mettez-le. Yeux à sous lit, oreilles à sous lit. Mettez-le. Qu'on y a de l'intérieur, c'est là qu'on parle du jeune sort qu'on a besoin. Mettez de l'intérieur de yo. Comment par votre bouche? Parle au problème. Parle à la situation. Parle à la maladie. Parle à l'argent. Parle. Et ramène les choses de l'intérieur vers l'extérieur pour changer votre entourage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.